Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxi Bilodeau nous explique comment le corps s'adapte dans son segment d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Réville nous fait la liste des activités et actualités de la GE. Et François André nous fait rire dans sa chronique politique Democratie 101. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 14 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau. Comme le gars dans Bon Nom, Bon Jovi. Ouais. Bon Jovi, le Jovi des eaux. Ça, je dois le dire, là. It's my life, OK? Ce matin, Colin, toutes les lumières étaient rouges sur la route. Je sais pas si c'est parce que c'est la Saint-Valentin et que c'est à la mode de tout mettre rouge. Là. Oh, ils ont fait exprès. Ouais, c'est romantique, je trouve. Comme... Ouais, t'as pogné derrière un gros camion, ça m'aide pas. Oh! Donc, aujourd'hui, à l'émission, Jean-Philippe, Maxime Bilodeau. Oui. Il est là avec sa chronique d'une foulée à l'autre et tu veux que je te lise un petit résumé, hein, Chayard? Oh, ça te fait plaisir, ça va être ton cadeau, OK? Donc, on va faire le tour d'une thématique qui, faute d'un terme juste qui lui rendrait pleinement justice, se résume en une seule et unique phrase, le corps s'adapte. Plus spécifiquement, on explorera le tout en nous penchant sur quelques-unes des différentes et innombrables manières que notre corps met en œuvre pour s'adapter, ainsi que sur les répercussions profondes que ce processus ininterrompu a sur notre vie de tous les jours. Le tout assorti d'exemples concrets triés sur le volet pour leur potentiel évocateur. C'est donc un rendez-vous à 7h30 pour d'une foulée à l'autre. La chronique se situe à quelque part dans le champ gauche entre le sport et la santé. Oh, c'est tellement beau. T'es un poète, le gars. Ben oui. Ben, en fait, on dirait déjà sa chronique. Je viens de lire sa chronique. Bon, ben, plus besoin de venir, Maxime. Ensuite, bon, ça c'est à 7h30. À 8h, on va avoir évidemment quelqu'un du client en spectacle. Aujourd'hui, on reçoit Michael Grenier, humoriste. Et on va, comme toujours, recevoir Karine Attardy pour parler de l'édition 2013 du client en spectacle. Tout le monde à 8h. Hein? Tout le monde à 8h. Tout le monde à 8h. Ensuite, donc juste après ça, Jasmine Raymond-Réville va nous parler des activités et actualités de la GEQTR, comme elle le fait chaque semaine. Moi, je vais chanter la chanson de la GEQTR. Hey, je suis en train d'en écrire une nouvelle version, moi, non? Oh non! Sais-tu que je chante ça chez nous? Ah! Assez régulièrement. Ah, j'ai eu un QTR. Ah, j'ai un QTR. Ouais. Freestyle. C'est le freestyle de François-Olivier à la fin du bra-bra. Ah oui, c'est lui. Oh. À 8h30, François André nous fera rire dans sa chronique politique Logocratie 101, on l'a dit. Donc, c'est son thème d'aujourd'hui. C'est rions un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si on va rire de quelqu'un, avec quelqu'un ou au sujet de quelque chose. Je sais pas. Autour de ça, on va écouter des chansons d'amour trash. Oh, nice. Ouais. Dans mon segment, écoutons la chanson et je vais te demander si tu veux de renvoyer la balle parce qu'on va pouvoir se renvoyer la balle. Se compléter, c'est J'ai ça. J'ai justement apporté ma balle de tennis. Ah, ben tant mieux. Et puis, c'est ça. Le reste, on verra si on a le temps pour faire d'autres choses dans cette édition d'Assemblage requis de jeudi matin. C'est la dernière de la semaine. Et jeudi, oui. C'est le nouveau vendredi pour bien des gens. Mais non la moindre. Ah ah. Ah là là. Alors, toi, tu vois le bon côté des choses tout le temps, hein? Tout à l'heure. T'as l'air d'un gars de même. Mm-hmm. Mm-hmm. Que dirais-tu de commencer avec du metric? Ben oui. C'est trash? Non, ça, c'est pas vraiment trash. Ah, oh, OK. C'est pas tout de suite ça. Je vais te faire un bloc trash tantôt. Tu vas voir que ça y va aux toasts. Je peux pas passer à côté, ça veut dire. Non. À côté des toasts. Moi, aussi, je vois des toasts. C'est comme une souris avec du fromage. Je vais directement vers la rôti. Ou comme j'ai dit hier, le rôti de porc. Oui, c'est vrai. Mais c'était une bonne joke. C'était une bonne blague. Là. Les gens l'ont bien aimé, mais c'était complètement pas basé dans la réalité. Pour faire changement, là, toutes mes blagues sont vraiment basées dans la réalité. Mm-hmm. La blague sur les rôtis et les rôtis de porc, là, j'aime pas le porc. Regarde. Tout pour les blagues. Hein, Calembour. Calmar. Calmar. Bourg, ça me bourre le ventre. Oh, ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Réussi. Built a mansion in a day. Patrick et Speed the Collapse. Ah, son âge requis. Pendant que je fais... C'est quoi, des culbutes que tu faisais là? Oui, je culbutais. Je te donne un 10, je donne ma pancarte. Oh. Ou j'ai tout un 10 en permanence écrit sur le chest. Ah oui. Voilà. On sait jamais, hein? Quand est-ce que ça peut être pratique, le 10? Maintenant, tiens, ça va être le moment de notre bloc sur l'amour trash un peu. Ah oh, ouais. Et quand c'est un bloc thématique, on met ça dans Écoutons la don. La chanson. Oh. Écoutons la chanson. D'habitude, c'est un quiz et tu devrais normalement deviner le thème. C'est comme un genre de bloc gag. Mm-hmm. Tu verras peut-être si on le refait à un moment donné. Sûrement qu'on va le refaire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver un thème nous-mêmes parce que c'est des chansons d'amour trash et on va essayer de trouver un fil qui les rattache à la fin du bloc. Et on va chacun faire un genre de bloc. On va voir. On va s'organiser tantôt. Moi, je pense qu'on a quelque chose. On a... ça se tient, hein? Oui, oui. Dis-moi que ça se tient, s'il te plaît. Donc, c'est ça. On va y aller tout à l'heure avec le groupe Comme un homme libre. OK. Il y a aussi Télémaque. Peut-être que ça va venir ici avec Télémaque. Je sais pas si tu connais la chanson. On va débuter par contre avec un groupe qui s'appelle 011. Et on va entendre leur extrait « C'était la première fois ». Puis on va jouer ça un après l'autre. Donc, les voici. Écoutons-la donc! La chanson. La chanson. Ben oui. C'était la première fois que je voyais l'amour. Si on peut ça... C'était la première fois que je voyais l'amour. Que je voyais le plus fort de l'amour. Si on peut appeler ça un peu l'amour. J'étais horrifiée et les fesses mis à la fois. J'étais horrifiée et les fesses mis à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion, je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cet accouplement bestial. C'était la première fois que je voyais un peu plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, que l'amour. Je suis sans tache, ma peau est tu me donnes une frite. Est-ce que tu me donnes une frite? C'était notre bloc Écoutons la don, la chanson, bloc thématique sur l'amour trash. Et vous savez, d'habitude, on vous propose trois pièces et le co-animateur doit deviner le thème. Je pense qu'aujourd'hui, c'était évident. Donc, on va essayer de trouver un thème alternatif. Saucy! Donc, ça, c'était Télémac avec l'amour à la sauce. C'est une frite, entre parenthèses, l'amour à la sauce américaine. Avant ça, comme un homme libre et l'amour entre animaux. On a débuté avec 0-1-1 et c'était la première fois. Est-ce que je te demande de t'aventurer ou on n'a pas assez écouté les paroles? Non, c'est vrai qu'on n'a pas été très attentifs. On avait beaucoup de choses à se compter hors d'onde. On jasait, on vous en parlera peut-être. Ben oui. Donc moi, je dirais, OK, je vais m'aventurer. C'était la première fois. Ça parle d'une femme qui voit un gars faire l'amour pour la première fois. J'imagine que le volcan a fait éruption à un certain moment. Oui, c'est ça. À un certain endroit. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle aurait aimé mieux ne pas voir. Comme un homme libre, l'amour entre animaux, évidemment, on se comprend. Ça aussi, ça fait du... Les autres aussi ont le droit. Oui, ils ont le droit. Et Télémac, une frite, l'amour à la sauce américaine. Donc, c'est une question de sauce. C'est ça aussi. C'est ça aussi. c'est aussi ça, la vie. Ça. Bon. Oui. Donc, j'imagine que c'est une question de jus ou de sauce. Oui. À épaisseur variable. Oui. Dépendant de qui l'a fait. Voilà. Oui, parce que l'autre, c'était sa première fois. Fait que... On sait pas, il y en a jamais produit. Mais, en tout cas, pas comme ça. Hey, c'est trash, hein? J'ai dit que c'était trash, le bloc? Ben oui, c'était supposé, en fait. C'était voulu, hein? Ben oui. Ouais. On va continuer avec d'autres chansons, un petit peu d'amour trash, et je pense que t'en as qui donné une couple de bonnes, là. Ouais, ben je sais pas, moi, j'avais les frères cheminots en tête. Je sais pas si c'est avec celle-là que tu voulais commencer. Ouais, c'est ça, parce que cheminot, cheminé égale en renvoyer aussi... La boucane. Là, quand c'est rendu à la boucane... Hein? C'est que t'es à sec. Prends une pause. Une petite pause. Ben oui, c'est ça. Donc, les frères cheminots, La Maudit que je t'aime? Ouais, Maudit que je t'aime, on écoute ça. Ah non, je te disais ça. Maudit que je t'aime. Quand je suis sous. Maudit que t'es belle. Quand je te vois flou. Hey, c'est cute, hein? Eh oui. Ouais, romantique. T'sais. Ben moi, tous les matins, je me lève, puis je suis up, hein? Fait que je vois flou tous les matins. T'as tes lunettes? Hein? Ben mais, des fois. Donc, c'était les frères Chemillot. Maudit que je t'aime. Et là, tu nous suggères un autre truc drôle, l'amour trash, là, mais je sais pas trop comment présenter ça. Ouais, ben, je sais pas si on doit dire ça. Trash, bizarre, par rapport. OK. Écoute, je pense que là, les gens sont avertis. Déjà avertis en Val 2, c'est bien connu. je proposais, c'est ça, en fait, c'était un peu loin dans ma mémoire, mais c'était, je savais que Mister Valère avait fait un petit partenariat avec le fameux Normand Lamour. Ouh! Normand Lamour. Il y a ça, c'est écrit directement dans son nom, c'est comme France d'amour. Hein. Ouais, mais là, on commence déjà fort. Ouais. Mais ils font une toune d'amour, Mister Valère et Normand Lamour. Une toune d'amour. Ça va être insupportable avec Normand Lamour, non? Mais bon. Ben, oui, insupportable est un qualificatif qui pourrait être appliqué. Je l'applique assez souvent, Normand Lamour. Mais, ouais, c'est ça, on va peut-être la couper. On essaie de commencer ça à la chanson directement. C'est comme ça, c'est tiré d'un reportage si on cherche Norman Amour. Ouais, ça, aller voir sur les YouTube. OK. Dans le fond, c'est qu'il réchauffe sa voix comme pendant à peu près 2 minutes. Fait que je trouvais que c'était un peu nous aider de passer ces 2 minutes-là. T'as bien raison. Ouais. On va s'essayer, on l'écoute. Norman Amour, Mister Valère chante l'amour. Je peux pas faire autrement que vous aimer par le fait que je suis full, plein d'amour. Père créateur, si tu veux envoyer de l'amour, si tu veux passer par moi, je suis ton instrument. Père créateur, tu nous aimes tous. Ah, me voici avec un micro devant moi. Normand, parle pas trop longtemps, tu le sais. Tu le sais quand tu parles trop longtemps, ils n'ont pas le temps de tout mettre. Ils sont obligés d'entrer dans le sapin. Dans le sapin. Dans le sapin. Dans le sapin. Il y a toutes sortes de choses. De choses. De pendus. De l'arbre dans l'arbre. Dans l'arbre dans l'arbre. Je vous aime! Les gars de Mister Valère ont l'air tellement inconfortables. Ben, et c'est un peu le même sentiment qu'on a ici en studio. Tellement. Mais je dois saluer, puis on le saluait de toute façon, le délicieux beat que nous offre Mister Valère. C'est merveilleux, mais c'est toujours merveilleux. C'est très bon. Rappelons-le, c'est freestyle. Pour l'impro, hein? Ouais, ouais. Ben, un peu comme Norman Lamour a gâché la chanson de Mister Valère, t'as complètement scrappé ce qu'on a fait depuis les dernières années à l'émission. Hein? Oui, c'est ça. Tu veux t'excuser publiquement, t'as le droit. Peut-être la semaine prochaine. OK. quand je verrai vraiment les répercussions de ce que j'ai fait. Il y a une foule en colère qui t'attend juste oui. À la porte. Trois menaces. Ouais. Et, en tout cas. Ouais. Mais t'as le droit de se caper à bosser l'émission, ça. Ouais, ouais, j'ai. On est deux là-dedans, la semaine. C'est pas juste moi. Moi, je construis, tu démolis. On est dans la soupe chaude. Et ouais. Comme Gargamel. Gargamel? Wow, des références au Schtroumpf, toi. Hein? Puis notre auditoire trop jeune, qu'est-ce que t'en fais? Parle-moi de connaître Schtroumpf, là. Génération Pokémon, parle-moi de Pokémon. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Voilà. Petit monstre. Ça, c'est DJ Mon. Oh, là, tu me parles. Connais-tu ITS Mon? Attrapez-les tous. Mais je connais juste ça parce que c'est un ami à moi. Hein. À Mathieu, tu te souviens? Mon ami. Ton ami? John Frippé. Ah, non, c'est Pangélip. Merci. C'est ça. Parce que je m'en souvenais vraiment plus. Puis là, je te voyais absent. Puis là, j'étais comme pas sûr. Je suis comme épitome. Puis tout ça. Non, Jean-Philippe a un alter ego. En fait, un ami qui connaît. Des fois, il arrive des aventures, tu sais, quand c'est gênant pour Jean-Philippe. Tu sais, c'est. OK, il met ça sur le dos. Ben, en tout cas, on sait pas. Comme c'est lui qui a proposé Normand Lamour ce matin. C'est exactement ça. Exactement. Pangélip. OK, la foule en colère s'en va, là. Ouais. C'est Pangélip, avion. Ah oui, attends. Mauvaise huile. Mauvaise huile. Charbonneau. Oh. Avion mauvaise huile. Ça vole haut, ça vole haut. Comme un avion. Comme un avion. Quasiment pas de fumée. Je sens qu'on divague. Oui, effectivement. On pourrait continuer de même encore très longtemps. C'est ça le problème. Au retour, la chronique de Maxime Bilodeau, d'une foulée à l'autre. Et aujourd'hui, on parle en fait du fait que le corps s'adapte à tout. Effectivement. Ben, c'est au retour à Assemblage Rock qui reste là. assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 7h35 et c'est le moment d'accueillir Maxime Bilodeau qui est présent en studio depuis quand même quelques minutes et on parle sans cesse du fait que c'est la journée de la radio, la journée nationale mondiale. Mondiale, c'était hier en fait. C'était, ouais. C'était hier. On l'a raté hier en ondes, mais on l'a sauté sur Facebook. Au moins, on s'est rattrapé en partie. C'est un média important, la radio. Effectivement, j'étais en train de dire que c'est comme tout service essentiel, ça devrait être 24 heures par jour. Ouais. C'est un service essentiel. Oui, tout à fait. Toujours. Il faudrait commencer la radio primaire. Hein? Et effectivement, radio primaire, aux couches, dans le berceau. Gaga, gougou. Radio bricolage. Radio bricolage, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? J'entendais d'ailleurs à Radio Cannes hier que dans les années 1920, il y avait un pianiste qui faisait des leçons de piano à la radio, puis live, puis il faisait ça avec les gens pendant 30 semaines, il faisait des leçons de piano, donc apprendre à jouer du piano à la radio. C'est un bon vulgarisateur, on va se le dire, vraiment. Effectivement, touche blanche, touche noire, touche blanche. 16, touche 17, touche... Je vous entends, Rita, ce n'est pas bon, on recommence. C'est pas ce qu'on va faire dans ta chronique, par contre? Non, effectivement. Voici d'une foulée à l'autre. Bon matin officiellement, Maxime Bilodeau. Bon matin à vous, messieurs. Vous allez bien? Très bien. En forme, hein? On est en forme, oui. En forme de quoi? Dépendant de la pièce dans laquelle tu es, parce que peut-être que c'est ça que ça veut dire, le corps s'adapte, plus ta maison est grande, plus tu prends de l'ampleur. Effectivement. Hein? Mais avant de commencer mon sujet, j'aimerais juste faire une petite aparté, un petit mise en contexte. Parenthèse, hein? Il y a des jours où la réalité vraiment dépasse la fiction. Je pense que ce matin, en ce qui me concerne, tout le moins, c'est une interprétation que j'en fais, la réalité dépasse la fiction. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Ben, aujourd'hui, bon, vous n'ignorez pas, c'est la Saint-Valentin. Bon, on s'en fout un peu. C'est une fête commerciale, on le sait tous. Probablement qu'on le fêtera pas. Reste que moi, je suis convaincu que parce que c'est la Saint-Valentin, on va être un tantinet plus gentil qu'on l'aurait été si ce n'est pas été la Saint-Valentin. Ouais. Théorie personnelle. Alors, bon, il y a ça d'un côté. L'autre côté, ben, je vais vous parler du corps qui s'adapte. J'ai tout bâti une belle petite chronique, plein de sujets, plein d'exemples, ça va être super le fun. Et puis, bon, où la fiction rattrape la réalité, c'est que, bon, première nouvelle que je prends ce matin en me levant, première chose que je sais, c'est qu'il y a un athlète, je sais pas si vous le connaissez, Oscar Pistorius. Oui. Monsieur oui. Blade Runner, qui a, on va le dire très froidement, buté sa femme. Meurtrier, finalement. Meurtrier, et présumément. Voilà. Présumément. Effectivement, c'est pas encore confirmé, donc on lancera pas de rumeurs rapidement. Alors, tout ça pour dire que, bon, Blade Runner, Monsieur Blade Runner, Monsieur Pistorius, je voulais vous en parler justement dans ma chronique, le corps s'adapte. C'est un peu de circonstances. Mm-hmm. C'est un exemple facile. Alors, il y a ça, puis on est à la journée de la Saint-Valentin. Donc, je sais pas, tous les événements se mettent ensemble, puis font comme un « Oh mon Dieu, la réalité dépasse la fiction ». Wow. Donc, c'est ça. Je pensais à ça en arrivant ici. C'est vrai. Donc, commentaire éditorial. Non, et voilà, commentaire éditorial, et voilà. Donc, le corps s'adapte. Je pourrais vous dire ça. Le corps s'adapte. Je préfère ma chronique-là parce que c'est une vérité universelle. Vous avez pas besoin. Ça résume tout, et voilà. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Le corps s'adapte. Point. OK. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le corps s'adapte, c'est qu'il fait rien que ça. Il est tout le temps en mode adaptatif. Il est tout le temps, à toute heure du jour de la nuit, en train de s'adapter. Il ne fait, comme je vous dis, que ça. Donc, c'est son rôle, sa job. Et voilà. Enfin, notre vie est une suite continue, d'adaptation. C'est comme l'évolution à petite échelle. Et voilà. Ouais. C'est très bien dit. Donc, c'est un peu un lieu commun. C'est un peu un truisme. Sauf que, veux pas, j'ai cherché le corps s'adapte. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à quelque part dans l'histoire humaine qui avait dit le corps s'adapte? Je sais pas, moi, comme César a dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, etc. Il y avait un grand grec à quelque part qui avait dit ça. Ben non. On s'en va dans la section rose du Petit Larousse, étant la référence des proverbes, dictons et maximes de ce monde. Le corps s'adapte n'y figure pas. Donc moi, j'étais tout surpris. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme, y a-t-il quelque chose de plus basique que ça? Non, ça n'existe pas. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, pour ma chronique, de faire un peu un tour de ce concept-là, de vous faire la preuve, par exemple, qu'effectivement, le corps s'adapte en vous en fournissant des exemples. Un peu comme un ode au corps humain, comme chef-d'œuvre de la nature. Un hommage, une... Et voilà, un peu poétique. Je me sentais un peu homérique ce matin. Ouais. Et voilà. Donc, le corps s'adapte. Premier exemple, je vais vous parler de température. Pourquoi de température, de climat? Ben, on est au Québec, mais bien sûr, c'est jamais le même climat. Aujourd'hui, il fait moins 5. Demain, il pourrait faire plus 30. Je serais pas surpris. Ouais. Donc, c'est comme deux extrêmes. Ben, pas autant qu'à certains endroits, mais c'est deux extrêmes. Quand même. Et voilà, deux extrêmes. Puis, au fur et à mesure que l'année avance, ben, les saisons vont et viennent et la température change tout le temps. D'ailleurs, on est des experts chialeurs de température ici. Ben oui. Imaginez si on habitait à l'équateur. De quoi qu'on chialerait? De quoi qu'on chialerait? On chialerait probablement encore plus les Canadiens qu'on en chiale en ce moment, mais bon, ça c'est une théorie. Donc, tout simplement pour vous dire qu'effectivement ici, on est beaucoup soumis à des aléas de température. Si le corps humain n'était pas capable de s'adapter, on ne serait pas capable de supporter ça. Mais comment s'adapte-t-il le corps face aux températures? En fait, c'est par deux processus distincts. Qu'on appelle l'habituation, donc prendre l'habitude de. C'est un processus qui arrive à court terme. Qu'est-ce que c'est l'habituation? Ben c'est, quand je dis que ça arrive à court terme, c'est que ça se prend très rapidement, c'est vraiment au niveau comportemental. Ouais. Même un Africain qui va venir à l'UQTR va finir par endurer le froid. Effectivement, c'est un excellent exemple. Il arrive ici au mois, mois d'octobre, il commence à faire des 0, 5 degrés, il commence à faire froid. Ben il va se dire, au début, il va trouver ça très dur. Ouais. Mentalement, ça va être vraiment un obstacle à traverser, sauf que au bout d'un certain temps, il va vraiment traverser cet obstacle, il va vraiment surmonter ça, puis il va fonctionner normalement. Ça, il va avoir, et pas que son corps va être plus efficace pour dealer avec la chaleur, ça prend plus de temps, c'est le deuxième processus dont je vais vous parler, sauf qu'à court terme, il va s'y être habitué. Ouais. Ça nous arrive également quand, justement, les premiers jours froids arrivent ou les premières journées chaudes arrivent. C'est exactement ça que je m'en allais dire. C'est exactement ça. Alors, on est sur la même longueur d'onde, c'est bon. Il fait moins 1, t'es tout à m'étouffler, puis t'es et comme un maudit qui fait frette. À l'automne, c'est fou, là, les premiers moins 1, t'es comme, oh mon Dieu, je vais mourir. À la fin de l'hiver, là. Au printemps, t'es en short à moins 1, là. T'es comme, comme glacé au petit bar laitier qui ouvre le 1er mars. Effectivement. Donc, ça, c'est pour le premier, l'habituation. Le deuxième, c'est l'acclimatation. L'acclimatation, ça, c'est celle qui se fait à un peu plus long terme. On peut penser à du monde qui habite tout le temps, justement, on disait à l'équateur tantôt, à des températures chaudes, tropicales. Ils vont s'acclimater, ils vont parfaitement fonctionner là-dedans. Pour eux, ça va être tout à fait normal. À l'équateur, c'est fait par Walmart, ça, Equate, non? Oh, comme le pays maison. La marque maison. Ah, vas-y. Donc, tout ça, dans le fond, ces processus-là, c'est fait pour un peu éviter l'hypothermie et l'hyperthermie. Donc, le fait d'avoir la température cobalt qui chute trop ou qui monte trop haut. D'ailleurs, le corps humain est un homéotherme qu'on appelle. Donc, il me tient grosso modo sa température à 37 degrés Celsius. C'est autour de ça qu'il est confortable. Il va tout faire pour rester autour de cette marge-là. Donc, c'est quoi les processus qu'il met en place? Ben, pour le froid, il va se mettre à frissonner. Ça, c'est un processus d'adaptation. Quand on frissonne, c'est pour essayer de s'adapter. Charles de poule, et voilà. La vasoconstriction. Donc, ça, c'est les doigts gelés qui plient plus. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Il va hausser son métabolisme. Il va produire plus de chaleur par lui-même. Et c'est également au niveau des hormones. Donc, adrénaline, on va être un peu plus primé face à ces écarts de température-là. La chaleur, c'est un peu le contraire. Bon, la sudation va se mettre à suer plus efficacement et davantage. La vasodilatation. Donc, ça, c'est quand l'été qui a fait bien chaud puis qu'on a les doigts rouges, ou le corps rouge, c'est justement qu'il y a beaucoup de sang qui s'en vont à ces endroits-là pour justement évacuer plus de chaleur. Il y a également une hausse du plasma sanguin, on va avoir plus de sang par encore là, des mécanismes hormonaux. Donc, tout ça, finalement, pour arriver à nous faire, à nous adapter afin qu'on puisse évoluer dans les températures, dans les climats de façon efficace. Donc, on le disait tantôt, c'est un excellent exemple. Début d'une saison versus fin d'une saison, on est tout le temps très acclimaté. L'été va arriver bientôt, on l'espère, hein, tout le monde. L'été va arriver bientôt. Au début, les premières chaleurs qui vont faire 25 degrés, on va capoter. Mm-hmm. Mais à la fin, rendu au mois de septembre, à 25 degrés, on va comme faire, oh mon Dieu, je suis donc bien, comparé aux 35 qu'on a eu il y a quelques semaines. En fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe à chaque année, qui m'a toujours fasciné. Comment, face aux écarts de température, on s'habituait rapidement. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a eu une vague de froid qui faisait très, très froid. Je me souviens qu'avant cette vague de froid-là, il faisait peut-être des moins 10, moins 15, puis on trouvait ça, c'était normal. Il y a eu la vague de froid, on s'est gelé toute la semaine. Après ça, c'est revenu à la température normale, puis même qu'il a fait quelque chose comme des 2-3 degrés, comme un redoux dégueulasse, slotcheux. et croyez-le pas, je suis venu ces journées-là en t-shirt à l'école. Ah, j'avais pas besoin de manteau, j'étais bien dehors. C'est juste pour montrer comme le 2-3 degrés qui, au mois d'octobre, m'aurait mis à terre, j'aurais été avec ma tuque, mon foulard, j'aurais été avec mon canuc, mais juste à cause de l'écart, du fait d'avoir eu la vague de froid, ben on s'est habitué. Fait que toi, gars de santé, là, tu dirais que c'est correct de sortir dehors avec un chandail quand ça se fait. Effectivement, okay. Par rapport au rhume et à la grippe, je pourrais quasiment faire une autre chronique avec ça. Ben, mais c'est pas une question de foi, c'est une question de virus. Effectivement, tu l'as résumé en quatre mots, plus que moi, j'aurais pris 5 minutes pour vous expliquer tout ce qu'il y a. C'était ma chronique santé, tu sais. Et voilà. Phrase. Et voilà. Donc, merci, Dr. Plante. Dr. Plante. Docteur ou Plante, là, on sait plus. Non, je sais plus. Donc, aux extrêmes, ça permet également à l'être humain de faire des choses comme des marathons dans le pôle Nord, ça existe. Des courses de rondamel ultra d'endurance dans le désert. Donc ça, c'est des affaires de 120 km de course dans le désert pendant plusieurs journées en autonomie. Ça permet également aux pompiers d'évoluer dans les feux comme tel, dans les brasiers. Je sais pas si vous avez déjà vu un pompier après une intervention, mais il est couvert de sueur. C'en est quasiment dégueulasse. C'est un mécanisme qui met en place justement pour s'habituer. Les nageurs en eau libre, on en a une ici au Québec, elle s'appelle Heidi Levasseur. Elle fait des distances genre Ottawa-Montréal à la nage par la rivière des Outaouais. Ben, encore là, pour évoluer dans l'eau puis pour nager ce temps-là, il faut qu'elle mette en place des mécanismes comme ça pour la température. Donc, autre exemple, l'altitude. Admettons qu'il y a un groupe d'alpinistes qui vont grimper l'Everest, ben ils fonctionnent comme par. Ils font pas je pars une journée, puis je marche pendant une semaine, puis je suis rendu, puis je reviens. Des paliers, il faut que tu arrêtes. Et voilà, ça leur prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour atteindre, parce qu'il faut justement qu'ils s'acclimatent, puis qu'ils mettent en branle un processus. Donc, pourquoi? C'est que l'altitude, ben, c'est un environnement qu'on dit hypobare, donc c'est un environnement où la pression atmosphérique est moindre. Ouais. Pourquoi cette pression atmosphérique moindre-là nous atteint? C'est que la disponibilité en oxygène va être moindre, ce qui va causer un phénomène d'hypoxie dans le fond. Donc notre corps va fonctionner avec moins d'oxygène, va devoir fonctionner avec moins d'oxygène et il va s'habituer à fonctionner avec moins d'oxygène. Quels sont les mécanismes qu'il va mettre en place? Ben encore là, c'est l'habituation, l'acclimatation. Donc au début, il va se mettre à respirer plus rapidement, son cœur va fonctionner différemment, tout ce qui est hormones encore là va changer. Mais il y a également ce qu'on appelle l'EPO. On connaît l'EPO, cet acronyme-là, pour les athlètes qui utilisent cette substance-là, justement, pour le dopage. Les cyclistes, entre autres, c'est ça? Les cyclistes, voilà. Beaucoup les cyclistes, les sports d'endurance en général, les efforts qui durent relativement longtemps. On pourrait penser aux coureurs de longue distance, on pourrait penser aux nageurs. L'EPO pourrait être utile. Mais pourquoi l'EPO? C'est que quand on va en altitude, elle est sécrétée naturellement. C'est pour ça qu'il y a certains athlètes qui font des stages d'entraînement en altitude. C'est qu'elle est sécrétée naturellement par le corps, par les reins, pour stimuler notre moelle osseuse qui produit les globules rouges. Il faut justement qu'on ait plus de globules rouges, donc qu'on soit en mesure de faire circuler plus d'oxygène dans l'organisme. Donc ça, c'est un mécanisme direct de l'adaptation à l'altitude. Donc concrètement, qu'est-ce que ça nous permet? Ben, ça permet à des Péruviens, des habitants du Pérou, dans les Andes, d'habiter en permanence à 4540 mètres au-dessus de la mer. Wow. Ce qui est quelque chose quand même de... Si on allait à 4540 mètres, probablement qu'on aurait beaucoup de misère, probablement que certains feraient même des phénomènes d'édème pulmonaire, cérébral en allant là. Mais est-ce qu'il y a des problèmes quand ils redescendent, quand ils viennent en voyage ici? En fait, quand ils viennent au niveau de la mer, c'est pour ça que les athlètes font ça, c'est qu'ils vont être, pendant un certain temps, ils vont être plus performants, vont être comme trop habitués au niveau de la mer parce qu'ils vont avoir toutes les adaptations par rapport à l'altitude d'ayant toujours vécu. Ah, OK. Donc, eux, c'est juste s'ils remontent qu'ils vont avoir plus de misère, mais s'ils redescendent, ils vont être au contraire mieux adaptés. C'est ce qui permet également à l'extrême de grimper l'Everest. Si on n'était pas capable de s'adapter, on ne serait pas capable d'aller sur le toit du monde qui est l'Everest à quelque chose comme 8848 mètres. Ouais. Donc, c'est ces mécanismes-là qui se mettent en place. Donc, du toit du monde, on va descendre sous les mers. Ben oui, évidemment. C'est un peu le processus contraire. Donc, si le toit du monde, c'était un environnement hypobare, sous les mers, c'est un environnement hyperbare. Okay. Donc, hyperbare, grosse pression atmosphérique. En fait, on dit qu'à chaque tranche de 10 mètres, il y a une atmosphère, il y a la pression de 1 atmosphère qui se rajoute. Donc, une atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Donc, millimètres. Évidemment, aussitôt que tu as une atmosphère, tu as un sport expert à chaque côté. Mais... fait qu'à chaque 10 mètres, il y a un sport expert. C'est ça, c'est ce que je comprends dans ta logique. Donc, il y a une atmosphère qui se rajoute à chaque fois, c'est la pression sur le corps. Et en plus, bon, je ne vous apprends rien, en dessous de l'eau, il n'y a pas d'oxygène, on n'est pas capable de respirer. Donc, on n'est pas des poissons. Est-ce que déjà, je ne suis pas capable de respirer au niveau de la mer. Vous le voyez bien. Imagine en dessous de l'eau. Il y en a qui spécialisent à aller en dessous de l'eau. C'est les plongeurs en apnée qu'on appelle les apnéistes. Eux, ils ne font que ça. Leur sport ne consiste que ça. Et comment font-ils? Ben, ils mettent en fait l'apnée quelque chose de super intéressant à étudier parce qu'il arrive plein de phénomènes physiologiques là-dedans. Donc, quels sont ces phénomènes-là? Ben, entre autres, il y a un volume pulmonaire incroyable. Ils sont capables de stocker le double de volume d'air. Ils sont capables également, leur cage thoracique est capable de se compresser beaucoup. Est-ce qu'on va s'imaginer qu'en descendant, avec la pression de l'atmosphère, tous les gaz sont tous stockés dans la cage thoracique? Eh bien, ça va être soumis à une très forte compression. Ils ont une tolérance extraordinaire à l'asphyxie. pourquoi on est pourquoi on a un besoin impérieux un peu de respirer à chaque fois qu'on est qu'on retient notre souffle, c'est qu'il y a une accumulation de CO2 dans le corps, et cette accumulation là nous mène à justement au réflexe de respirer. Donc c'est un peu le pourquoi on n'est pas capable de retenir notre souffle très très longtemps. Eux sont capables de durer pendant de très très très longtemps. Il y a entre autres, il y a une discipline en apnée qui s'appelle apnée statique. Ils sont capables de le record du monde est d'à peu près 12 minutes sans respirer en piscine. Donc, il se tient, il fait rien, puis il reste 12 minutes, puis il respire pas. Tu penses qu'il est mort, mais... Et voilà, et puis il revient, puis il est totalement correct, il fait un protocole pour dire qu'il est tout à fait correct, et puis... Il la main. Ça va. Voilà, mais, tu ris, mais le protocole pour l'apnée, c'est quand t'arrives en haut, faut que tu enlèves tes lunettes, faut que tu fasses un signe de la main comme que tel. Comme que ça, boîte okay. De pizza. Là, ouais, genre. Le chef fait Mamma mia! Mamma mia, ma pizza est bonne! Il faut que tu dises ça justement. Ma pizza est bonne! En fait, faut juste que tu dises OK, mais si tu veux, tu peux dire c'est la c'est le code. Commandité par Dr. Hodker. Bon. Donc, c'est ça. C'est les mécanismes qui permettent aux plongeurs en apnée d'évoluer sous la mer. Et c'est ce qui permet, en fait, ce qui a permis en 2007 à un plongeur du nom de Herbert Nietzsche, qui est un Autrichien, voilà, d'atteindre la profondeur de 214 mètres sous les mers. Donc 214 mètres, c'est très, très, très, très, très profond. C'est 21 atmosphères et demie de pression sous soi. On peut s'imaginer que c'est intolérable. Et il a fait ça dans le cadre d'une discipline qui s'appelle le No Limit en apnée. Qu'est-ce que le No Limit? C'est que tu prends un lest qui te coule jusqu'au fond de la mer, puis après ça, quand t'es rendu à ta profondeur clé, tu actionnes un mécanisme de ballon, puis tu remontes à la surface. Comme un spa. Ça y a pris combien de temps à monter? Ça a dû y prendre un méchant bout? Avec le No Limit, en fait, il ne doit pas faire les paliers parce que l'affaire de palier, c'est qu'il descend tellement vite puis il remonte tellement vite qu'il n'y a pas le temps de... Il n'y a pas le temps de développer, de s'adapter parfaitement à chaque. Donc, c'est là vraiment la magie de la chose, c'est qu'ils doivent s'adapter très rapidement. Ils doivent mettre en branle une tonne de mécanismes, égaliser leurs oreilles. Ils doivent gérer justement ils doivent savoir où ils sont rendus dans leurs efforts. Donc, justement, c'est pour ça que c'est très intéressant l'apnée. Ouais. Sauf que tout ça pour dire que 214 mètres sous les mers, c'est très profond. C'était quoi son nom déjà? Herbert Nietzsche. C'est un nageur, ça? C'est un... Ouais, un apnéiste. Moi, je voulais savoir, tu sais, l'eau était à quelle température? Ben, réponse, elle était... Non, tu veux pas que je fasse mon jeu de mots? Non, là, vas-y. je te ramènerai à la raison. OK, merci. L'eau était Nietzsche. En fait, c'était en Grèce qui a fait ça, donc ta joke, tiens, pareil. Good! Oh yeah! Et voilà. Donc, prochain exemple, la gravité. Pas, on s'adapte à la gravité. La gravité est constamment présente. Ouais. Imaginez-la comme un vecteur de force qui nous ramène tout le temps au plancher. Quelles sont les adaptations pour s'adapter à la gravité? Ben, il y en a plusieurs. Inutile de vous le dire. Juste le fait qu'on ait des muscles, en fait. Là, je montre mes gros biceps. Wow! Juste le fait qu'on ait des muscles, c'est directement lié au fait qu'il y ait de la gravité. Le fait qu'on ait des os qui ne soient pas friables, comme des oiseaux. Est-ce que vous saviez que les oiseaux ont des os quasiment cassants? Ils n'ont rien dedans, ils n'ont pas de moelle ni rien. Okay. C'est pas friable, c'est pour ça qu'on peut pas d'ailleurs acheter des ailes d'oiseaux. T'achètes des ailes de poulet. C'est pas friable. Oh! C'est pour les faire frire. je le voyais, il est en train de gosser après son ordi, puis il pense. Il pense. Il y a pas pareil, Il y a vraiment, une glande à jeu de mots, à quelque part, je suis sûr. Glander est un grand talent. Oh mon Dieu. Juste la colonne vertébrale également, c'est un mécanisme d'adaptation. Le fait qu'on ait des courbures dans la colonne vertébrale nous permet de nous mettre debout, d'être bipède. Et c'est justement relié à la gravité. C'est à cause de la gravité qu'on a ces courbures-là. Donc, ma scoliose, c'est une bonne chose. Parce que je suis tout courbé. C'est des billes à ça. T'as une scoliose, c'est pas très, très fun, non? Non, mais merci. Un vrai slalom. Ouais. C'est pas une bonne chose d'avoir une scoliose. Hein? Dépendamment comme la gravité d'eux, mais je suis pas vraiment. Je suis pas très calé dans la scoliose, malheureusement. Donc, c'est ce qui nous permet d'être bipède, justement. Ce qui nous permet de marcher, la locomotion. Puis, à l'extrême, c'est quelque chose de bien, bien simple. C'est on peut jouer avec la gravité. Tu sais, quand on court, en fait, là, c'est une succession de sauts qui fait qu'on joue avec la gravité tout le temps, qui nous ramène au sol. Quand on saute en parachute, c'est juste ça. Là. On part d'un avion, on se met dans le vide. C'est pas un grand talent, c'est juste tirer sa tête. petite garde, là, Marlin, là. Hein? Oh, effectivement. Pas les athlètes, ça, là. Effectivement, effectivement. je marche contre les parachutistes, c'est une blague. C'est une blague. J'en connais pas, là. J'ai jamais sauté en parachute, donc je sais pas si. Ça pourrait être quelque chose. On pourrait le faire live. Ouais, avec une caméra, peut-être. Ouais. Un micro. T'entends juste le son. On fait ça pendant la semaine de relâche. mercredi, jeudi matin, 7h30, je vais être dans l'air, puis OK, je me pitch dans le vide, là, je vais commenter ça. Ça serait très drôle. Nos pieds. Autre exemple, nos pieds, en fait, c'est nos plus fidèles compagnons. Ils nous supportent toute notre vie. C'est eux qui font, ils affrontent en fait toutes les conditions dans lesquelles on met les pieds. Pour eux autres. Pour eux autres, ou les non-conditions quand on leur met trop de souliers. Je vous en ai déjà parlé, entre autres, ici, à toi, Mathieu. Malheureusement, pas à toi, Jean-Philippe. L'autre gauchose. L'autre gauchose, on se souvient plus. Il, qu'est-ce qu'il devient, lui? Ce sera jeudi prochain! Je suis tout excité! Donc, plusieurs adaptations au niveau des pieds. En fait, prenez un pied, mettons, de cyclistes. Des cyclistes, il n'y a pas de mise en charge ni rien. Ils n'ont pas à supporter la gravité. Et prenez un pied de coureur, mettons. Remarquez leur pied. Le pied de coureur, c'est un gros pied massif, musclé, plein de cornes. Plein comme un hobbit. Ouais, voilà. Un pied à la hobbit. Là. Puis prenez le pied de cycliste, c'est un petit pied tout fin, tout pas de muscle, tout décharné. C'est féminin. C'est féminin. Ouais. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour montrer que, effectivement, nos pieds s'adaptent. Notre corps s'adapte. Ouais. Ils ont des vrais pieds d'athlète. Hein. Oh, oh, oh, oh, oh, t'as marre, ton en haut. Ça puait, cette blague-là. Donc, c'est également les adaptations qui permettent de nous promener en talons hauts. Les demoiselles qui se promènent en talons hauts, leur membre inférieur, leur pied, s'est adapté à cela. Ça demande un certain temps. En Asie, là, les femmes qui... Girafes. Aussi, mais pour vrai, les coups avec les anneaux et tout ça, c'est la même chose. C'est un peu le principe. Moi, je parle des pieds, les bindings, tu sais, ils se plient les orteils. Oui, pour qu'ils soient plus petits, oui. La culture asiatique chez les Chinoises, oui. Les lèvres aussi. Là, on pourrait en parler longtemps. C'est justement. Le corps s'adapte, c'est une réalité universelle. On commence à comprendre. Les stretch. Oui, les boucles d'oreilles stretch, là, qui sont gros lobes d'oreilles, dégueulasse. Je comprends pas, mais quand même. Comme vous voulez, je ne vous juge pas, mais Caroline, que c'est là. En tout cas. Quasiment pas un jugement, ça. Non, j'aime ça dire je te juge pas, mais voici un jugement. Ta copine va bien t'aimer, toi. Ouais, pas bien. Je suis honnête, qu'on appelle. Honnête, l'honnêteté, ouais. Des fois, il faut la langue dans sa poche. Faut se retenir un peu, ouais. Et voilà. Donc, l'entraînement également, c'est juste ça, c'est jouer avec le concept du corps s'adapte. Quand on s'entraîne, on ne fait que ça. Je pourrais en faire une chronique au complet, parce que ce n'est que ça. Quand on apprend des nouvelles choses, quand on se conditionne à une nouvelle chose, ce n'est que ça. Et imaginez le processus d'apprentissage. À quelque part, il y a ce qu'on appelle... il y a des neurones qui vont se former pour justement permettre de nouveaux réseaux, de nouvelles synapses et tout et tout. Donc, encore là, c'est un mécanisme d'adaptation du corps. Les handicaps, c'est là que je voulais vous parler d'Oscar Pistorius tantôt. Pour surmonter les handicaps, le corps peut mettre en place de formidables ressources adaptatives. Juste les Jeux paralympiques. Ce n'est que ça, c'est du monde qui selon la gravité de leur handicap, participent à des sports pareils. Ça va bien à regarder ça, j'aime vraiment ça, les Paralympiques. Je trouve que ça devrait diffuser ça devrait avoir une plus grande popularité. C'est plus impressionnant, je trouve. Une meilleure place, parce que sincèrement, c'est plus impressionnant que les Jeux Olympiques. C'est genre, c'est quoi, un mois après vrai, puis c'est genre dans la nuit à la TV. Non. RDS va diffuser de la WWF, du ping-pong, du mini-pot. Siège d'arbre. Siège d'arbre, un sport très, très. Poker. Trop poker aussi. Mmh. C'est un autre sport très, très... C'est important. Très, très viril. Sport, ouais. Et voilà. Donc, c'est ça, les jeux paralympiques. Il y a également les aveugles. Ça, c'est je sais pas si vous avez déjà vu ça, qui ont recours à un processus qui s'appelle l'écholocalisation. Ouais. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, tu sais c'est quoi? Oui, non, c'est vraiment impressionnant. Ouais, le gars qui fait du vélo dans la rue, puis il fait des... Et voilà. Autos, puis contre les autos. C'est un peu le principe des chauves-souris, en fait, pour nos auditeurs. C'est il envoie un son haute fréquence, donc à peu près, on peut entendre jusqu'à 20 000 Hz, grosso modo, les êtres humains. Ça résonne sur les murs, sur les obstacles. Après ça, ça le retourne dans les oreilles et il voit. Puis il apprend ça par lui-même. Il n'y a pas de professeur de... Et voilà. C'est pas ça, là, je pense. Et voilà. Pendant qu'on a vu le même documentaire, c'est un jeune homme noir. C'est fantastique. Encore là, c'est un formidable exemple que le corps s'adapte. Un autre exemple qui m'a scié, dans mes recherches, je suis tombé là-dessus. Une jeune fille qui s'appelle Tisha. Tu es suivi finalement sur les réseaux sociaux de chat, non? Là, je suis retourné voir. Je l'ai montré à tout le monde que je connais, mais je me suis pas inscrit. Oh, tu me déçois. 4 moji. Moi aussi, je le montre à tout le monde. Je vais t'inscrire. Donc, la petite fille que j'ai parlé, Tisha, c'est une jeune fille de grosso modo une vingtaine d'années, 26-27 ans. Et sa particularité à elle, c'est qu'elle n'a pas de bras. Ouais. Elle a aucun bras. Elle s'appelle Tisha. En fait, tapez dans YouTube. Sur YouTube. Tisha, no arm. Et voilà. puis en fait, elle fait tout, mais sans ses bras. Donc, elle se maquille, elle mange des sushis, elle conduit, elle se lave, elle fait des bonhommes de neige. Ouais. Pas de oui, bras, elle, avec ses pieds. Oui, elle conduit aussi. Malade. Il y a des vidéos sur YouTube. Ouais. Avec ses pieds. Ouais. Ses pieds, c'est comme ses mains. On prend notre main, là, grosse amplitude de mouvement, grosse flexibilité, nos doigts ils se font aller. Elle, c'est la même affaire, mais avec ses pieds. Ça m'a complètement scié en deux. Ouais, ben tu vas passer à RDS d'ailleurs bientôt pour avec les sièges d'arbre, tu vas être le siège de ton corps. Tu vas perdre tes bras, tu vas pouvoir utiliser tes pieds et t'adapter. Effectivement. Non? Mais elle répond à toutes les questions, mais tu sais, on est de nature curieuse, mm-hmm. les humains, tu sais. Puis on peut se poser des questions. Quelqu'un qui n'a pas de bras, on se demande des questions de la vie comme comment ils font pour aller aux toilettes. Effectivement. Elle l'explique pas dans son vidéo. Traître. Elle dit il y a des affaires qu'on garde privées, tu sais. Moi, je ne vous demande pas comment vous essuyez. Demandez-moi pas comment je m'essuie. Il y a des choses aussi qu'on ne va peut-être pas savoir non plus. Mais de nature curieuse. T'sais. De nature curieuse, effectivement. Mais c'est peut-être juste un bidet. Oh, peut-être. Oh! Hey, toi, t'es fort. Et effectivement. Je ne vais pas faire une parenthèse aussi longue, désolé. Non, il n'y aura pas de problème. Donc, également, l'obésité, quand on y réfléchit, c'est un mécanisme d'adaptation. Quand on regarde un peu l'évolution de l'être humain, on se rend compte que les êtres humains qui survivaient le mieux, là, c'était ceux-là qui étaient capables de stocker davantage de graisse, qui étaient capables de survivre aux famines. Donc, aujourd'hui, bon, le paradoxe a changé un peu, très rapidement. Aujourd'hui, au contraire, la nourriture est ultra disponible. Donc, les êtres humains sont un peu... En fait, nos descendants... Nous sommes les descendants de ceux qui ont mieux survécu. On peut se poser ça. Donc, dans nos gènes, on a la capacité à nous stocker de l'énergie sous forme de graisse. Ce qui fait que aujourd'hui, ben, quand on est dans un environnement très, très, très, très surabondant en nourriture, ben, on prend du poids. C'est tout à fait normal. Donc, à quelque part, l'obésité, effectivement, est un mécanisme d'adaptation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis changement de paradoxe, c'est qu'il y a plus de monde qui sont en surpoids dans le monde que monde qui meurt de famine. Donc, c'est un peu triste à dire, mais c'est un mécanisme qui prouve que le corps s'adapte vraiment à tout, même à la famine, même à l'abondance alimentaire. Donc, c'est ce qui conclut mes exemples, sauf que j'aimerais juste vous dire une petite dernière chose. Dans tous ces exemples-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, ben, c'est un organisme biologique et ce n'est pas... Tu sais, des fois, on fait des analogies pour dire que le corps, bon, fonctionne, mettons, comme avec un disque dur puis des logiciels ou le corps... on explique l'anatomie à des jeunes apprentis et on essaie de leur expliquer les choses. On va leur dire, bon, les articulations, c'est comme des peintures, il y a des leviers, il y a des ci, il y a des ça. Sauf que, à la base, le corps, c'est un organisme biologique. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Si on était quelque chose de mécanique, sincèrement, là, on ne pourrait pas s'adapter. La simple et bonne raison que dès qu'on dépasserait un certain seuil, on briserait. On tomberait à terre puis... acheter un nouveau. acheter un nouveau, remplacer les pièces chez Sears. Comme Windows 8. Comme Windows 8. Veux-tu faire un éditorial, Mathieu? Non. Donc, ça pour dire que le corps, effectivement, est un organisme biologique qui dispose d'une marge adaptative qui est quasiment infinie. Pour autant qu'on lui donne l'occasion de s'adapter et le temps pour s'adapter. Donc, ma conclusion est à la même à chaque semaine. Ben oui. Vous me voyez venir. l'occasion, c'est quoi? Ben, aller faire du sport. Le temps, c'est quoi? Ouf. C'est la récupération, le sport. Donc, c'est un mode de vie sain. Comme ça, votre corps va s'adapter. Il va nous en être que plus reconnaissant en bout de ligne. Et que je devrais donc l'écouter. Je travaille fort. Oui, pourtant, à chaque semaine, il te le dit. Je sais même. Donc, voilà, ça fait un terme à ma chronique. Et si vous êtes curieux de lire un condensé de tout ça, j'ai écrit un papier d'ailleurs cette semaine sur mon site internet, www.dunefouleealautre.com. Le corps s'adapte, simplement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mm-hmm. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à aller y faire un tour. Tout à fait. Et il y a des articles de plus sur ton blog aussi. Effectivement, ça m'arrive de me laisser la plume aller, laisser la plume lousse. Oui. T'as les articles dans ton campus sur deux semaines. Et effectivement, ça prochaine. Et est-ce que j'ai mentionné la page Facebook? Page Facebook aussi, ça c'est pour perdre votre temps. Entre deux choses que vous n'avez pas le goût de faire. C'est ce que j'aime bien dire. D'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. On se retrouve jeudi prochain à 7h30. Oh, ça me fait plaisir, messieurs. Très bonne chronique. Nous autres aussi. Bonne chronique. Oh, mon Dieu. Je vais me faire rougir. Si on s'est adapté à ça, puis là, il va s'en aller, puis on va être triste. Vous allez encore pouvoir m'écouter. Si vraiment vous m'aimez, là, vous allez encore m'écouter. Je reviendrai sur ça un moment donné. Ok. Bonne journée à vous. Bonne journée aux auditeurs. Très bon. J'ai essayé de faire un proverbe. Okay. Tu sais, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de proverbe sur l'adaptation. Ouais. Ben, à sueur donnée, t-shirt trempé. Oh! Tu vas être dans le petit Larousse, toi, là. Attention. Des pages roses, c'est ça? Des pages roses. Je vais faire ma demande pour 2013. On écoute les surveillants, la force de la gravité pour rattacher ça. Mon Dieu. C'est très bon. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,29797948899 × 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,29797948999 × 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,29797948999 × 10 exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. C'est pas pour tout le monde, ça. C'est une chanson particulière des Surveillantes, La force de la gravité. C'est quoi déjà le nom du groupe? C'est des Surveillants. Avec la force de la gravité, des Surveillants. Ok, merci. Alors, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt et dans la deuxième heure. Qu'on a donc un plan chargé pour vous. On va parler de QTR en spectacle 2013 avec Karine Tardy, encore une fois, mais aussi son invité de la journée, c'est Michael Grenier, qui fait dans l'humour. On va aussi avoir la chronique de François Landry, le Classic 101. Et on devrait avoir des nouvelles de Jasmine Raymond-Dréville. Encore une fois, elle peut pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Désolant, mais on devrait pouvoir partager ces informations tantôt. Voilà. Et comme on n'aura pas Jasmine, sûrement qu'on pourra s'insérer la chronique que j'avais prévue et que je n'étais pas sûr qu'on pourrait faire, son foutu palmarès. Oh, dans la deuxième heure. Voilà. Moi, j'ai hâte. Merveilleux, hein? Oui. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. Hello. Hello. Hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce jeudi 14 février 2013. Jean-Philippe Charbonneau, c'est bien toi? Oui, Mathieu Plante, c'est toi aussi? Parce qu'on va bien, oui. On a appris que les visages et moi, c'est pas un... c'est trois. Visage et moi, la quatrième tombe de Marley et moi. Je peux pas faire de blagues là-dessus parce que je vais voler des punch. Bon, là, il me passe des blagues que je peux pas faire. Oh, oh! Il y a un petit chien dedans, le film. Oh. Donc, c'est ça notre assemblage. Je viens de faire un pet avec mes mains en passant. J'ai fait ça en serrant les mains. Ouais. Anecdote. On a du fun! Ben, quand même, hein? Fallait être là. Fallait être là pour l'entendre. Karina Tardy, bon matin. Bon matin. C'est une des organisatrices du QTR en spectacle. On reçoit toute la semaine et pour les deux prochaines semaines. Oui, absolument. Qui s'en viendront. Et on aime toujours la recevoir comme ça. C'est super le fun. Aujourd'hui, notre invité du jour, un des participants du QTR en spectacle, c'est Michael Grenier, qui fait de l'humour. Et avant même de commencer, tu sais, moi, les anecdotes puis les fun puis les affaires personnelles, il animait SPM de gauche avant nous autres l'année passée. Oui, puis tu m'as pas reconnu ce matin. Non, mais on a reçu Amélie Brun, une des organisatrices, ça aussi, j'ai de misère avec ce mot-là d'ailleurs. En début de semaine, je l'ai revu le soir même, pas reconnu. Moi, il y a des téléromans où il y a deux personnes qui ont les cheveux blonds, là, puis là, c'est qui, tu sais, pas capable. Visage, j'ai un problème. Mais Michael Grenier, maintenant que je te reconnais, je t'apprécie. Merci. T'étais bon. Autre compliment. T'es pardonné. Compliment, moi, merci. Ça marche. Hey, t'as de la chance parce que toi, ça fait quelques minutes que t'es en studio, puis il m'a jamais dit ça encore. C'est vrai. Mais je suis encore persuadé que je sais que c'est pas François-Olivier Marchand, mais je sais pas c'est qui, tu sais. On m'a mis un douche comme ça dans le studio pour co-animer pendant 5 semaines. Oui. On va apprendre à se découvrir. C'est peut-être. Indice, clin d'œil. Arrêtons avec les blagues. Michael Grenier, pour vrai, parlons de ton rôle à UQTR en spectacle. Est-ce que tu peux te présenter, dire ton domaine d'études? Oui, ben mon nom est Michael Grenier, j'étudie en communication sociale. Je finis bientôt, là, il me reste une session plus un stage. Donc c'est ça, je suis en communication sociale. Ouais. Et tu présentes un numéro d'humour, depuis quand est-ce que tu fais de l'humour? Ça fait, ben, je dirais 2 ans, là, mais je pourrais compter ça en numéro aussi. Là. Ça va être mon 4e, okay. Puis mon 3e a eu lieu cette semaine. Là. Okay. Donc pas beaucoup d'expérience. Mais ça va venir. C'est quoi ton genre d'humour? Sur quoi est-ce que tu fais tes numéros de stand-up? Hein? En fait, les sujets, c'est assez général, là, mais je reste c'est assez dans le trash quand même. Okay. Là, je me suis retenu un peu. On je me suis retenu un peu pour quitter un spectacle, pour être pris, justement, et être un peu plus grand public, parce que généralement, justement, j'ai eu des critiques comme quoi c'est un petit peu trop intense. Il y a des publics qui aiment vraiment ça. Là. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est vraiment... T'as deux opinions là, dans une salle. Comme mes premiers spectacles que j'ai faits, je me rappelle, d'un côté, là, c'était crampé, puis de l'autre côté, il maïssait. Là. Il voulait me battre après le show. C'était... Ouais, c'est un peu comme Mike Ward. Ben, c'est ce que je disais. Oh, on est mais pas je te laisse là-dessus. Ben, c'est fait. C'est un peu comme notre porte-parole aussi, Vincent C. Hein, ça, c'est trash, ouais. Mais à mort fois mille. Ouais. Ah, oui. On aime ça de même. Ouais. Guillaume Wagner, tu sais, là, on jette des mots comme les noms dans les apps. Là, je vais te demander, c'est qui tes humoristes préférés? Tu vas me faire, j'imagine, la liste qu'on vient de faire et autres. Oui, ben ça ressemble beaucoup à ça. Ou sinon, on peut rajouter Jean-François Mercier. Oui. Mm-hmm. Sinon, Prestance sur scène, vraiment, ben ça ressemble pas du tout à ce que je fais, mais Louis-José Hood est quand même incroyable. Mm-hmm. Mais disons que je suis loin de ce qu'il fait. Mais c'est ce que tu aimerais peut-être un jour devenir. Est-ce que tu veux faire carrière en humour un peu comme eux? Oui, pas nécessairement à tout prix. J'ai pas intention d'aller à l'École nationale de l'humour. Mais oui, si ça peut m'adonner que j'arrive dans le domaine, oui, ça me ferait plaisir. J'aimerais faire des bars éventuellement. Là. Des quoi, excuse-moi? Des bars. Des bars, ben oui. Un objectif à court terme. Je sors pas, moi, fait que c'est des bars. Par des barres à clous, tu sais, je sais pas. Tu vois, moi, je deviendrais pas humoriste, comprends-tu la joke? Je suis pas drôlement tout, mais je suis. Ah, ben, t'es pas super, Adam. Adam, t'es pas super. Il y a un public pour ça. Ouais, c'est juste ça. Très restreint. C'est moi. Donc, on va aller en musique un petit peu. On va l'entendre, une pièce des 3 accords, parce que je me suis dit, c'est un groupe qui serait peut-être drôle, un peu, dépendant de votre sens de l'humour. À ton ranch. De votre ranch. Voici J'aime ta grand-mère, tu sais. Un bon public, des fois? Mm-hmm. Grand-mère? Mm-hmm. Ah, j'adore les grand-mères. C'est pas... Commence pas. J'aime ta grand-mère. Je veux un amour qui se passe de comme en bas. Je veux refaire le tour en passant par un Maria. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier, et les mains dans les airs, je ne peux plus me tâcher. J'aime ta grand-mère, je veux faire à ton pas, plein de demi-frères, je dirai j'aime ta sincère, et la crème solaire, la fumée, la poussière. J'aime ta grand-mère des trois accords, une de leurs pièces que j'adore donc. Hein, mais je pense que l'album au complet dans le studio, en tout cas, fait l'unanimité. on valse avec nos micros dans les airs. Ouais. Donc, on est toujours avec. On parle toujours de cuillère en spectacle, toujours avec Karina Tardy et Michael Grenier, mm-hmm. qui est un des participants. Oui. Et je crois que tu as quelques questions à lui poser, toi aussi, ouais, Karina. Ouais, j'ai une petite question. Dans le fond, tantôt, tu parlais de. Tu sais, ça fait 2 ans bon, que tu fais ça, tu as plus ou moins l'expérience, 4 numéros. Mais je crois que t'as beaucoup d'expérience avec le micro. Tu disais que t'as fait de la radio. Oui, tu oui. fais aussi 15 têtes valent mieux qu'une, si je me trompe. Je l'ai fait l'année dernière. Ouais. C'est un cours qui s'appelle Télé 2. OK. Mais à l'animation, j'étais pourri, là. C'est incroyable. J'étais figé et souvent, ça donnait que je tombais sur une journée qui faisait froid. Je l'ai fait en hiver, ce cours-là. Donc, j'étais à l'avant et je retenais pas mes textes du tout. Et là, le caméraman voulait me tuer. Ça prenait à peu près une demi-heure pour réussir une phrase de 8 mots. Fait que non, c'est pas une très bonne expérience. Je ne deviendrai pas animateur. Okay. Vraiment bon. Pas. Tu te restes en humour, c'est bon. Ouais. Ben, je sais pas que je n'irai pas ailleurs. Là, comme quelque chose que je voudrais faire plus tard, c'est écrire des scénarios de films, d'émissions, de sitcoms, de choses du genre. Cool. Mais il n'y aura pas d'animation. Je ne suis pas le futur Eric Salvaille, ça, c'est certain. Ben, merci. Voilà. Ouais, mais merci beaucoup de ta présence. Mm-hmm. On va te souhaiter bonne chance à écouter en spectacle 2013. Merci. On rappelle, ça a lieu le 28 février. Oui, le 28 février au théâtre Cégep de Trois-Rivières. Mm-hmm. Et on peut se procurer des billets en visitant chacun des participants ou encore en... on va avoir un kiosque dès la semaine prochaine, dès lundi, là, en face à la cafétéria et à la coop aussi. On peut se les procurer. Visiter voilà. Des participants, on peut faire ça? Oui, ouais, on peut être voir, tu en as avant. Oui, mais visiter, oui. C'est la Saint-Valentin, hein? Ben, c'est ça. La vie à tous. C'était peut-être mal dit, mais c'était vrai pareil. Merci, Michael Grenier. Mais ça fait plaisir. Merci à vous. Et merci, Karina Tardy. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine et les 2 prochaines semaines pour parler encore plus du cuillère en spectacle 2013. Voilà. Absolument. On retourne en musique à entendre une pièce que Jean-Philippe nous a suggérée tantôt. C'était celle de System of a Down. Ah oui, j'ai fait ça. Ah ouais. Ça fait longtemps, mais je te l'avais promis. Là. Ben oui, ça fait ça des lunes. On écoute la pièce Lonely Day sur leur album Hypnotize. On continue dans le sujet de l'amour trash un peu là. Ah ouais. Il faut que ça soit trash là. C'est ce que tu m'as dit, moi je t'ai fait jouer. Oh. Si c'est pas trash, je vais t'en vouloir. Such a lonely day. And it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. C'est Stamford Down et Lonely Day. Lui a survécu. Fait qu'on peut penser qu'il avait oublié la Saint-Valentin. Ah, c'est donc bien rabâchement. On est plate aujourd'hui. On est comme à rebrousse-poil. Ben, ouais. On fait le contraire des autres parce qu'on veut pas être quétaine, nous autres. À rebrousse-poil, hein, d'ailleurs. Là, on va revenir sur Melon Miel, j'imagine, d'être en émission sur les poils, c'est ça? Non, je ferai pas ça tout le temps. Là. On est rendu jeudi. On pourrait faire un résumé. Carpe diem, puis un genre de demain à Melon Miel et hier à Melon Miel, on a fait, tu sais. Ouais, c'est ça. On va avoir une chronique à Melon Miel. Ou pas, non, ça va être. C'est le nom, ça. Ça, c'est non. Ouais. Donc, tout à l'heure, on aura François Landry qui s'en vient avec sa chronique Logocratie 101. Avant ça, par contre, je pense qu'on devrait... Ah, tiens, on pourrait faire ça quasiment... Non, on va aller en pause tout de suite. On va la prendre de bonne heure. Ouais, comme ça, on va... Ah ouais. On va pouvoir faire une petite chronique son foutu palmarès juste après. Pour l'instant, ben, on fait. C'est là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi, à Assemblage requis. Oh, lundi, on aura Simon Fitzbay avec ses chroniques musicales. On aura Véronique Lire du bureau de la Réussite étudiante et aussi Alexandra Carignan avec le temps de la culture. Un bon petit trio qui se prendra bien le matin, ça. Hein? Pour remporter. Pour remporter. Oui. Pour remporter. Oh, c'est bien trop changé pour moi, ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Les 8h28 minutes. Il nous reste encore 32 minutes si je compte bien, selon mes calculs savants. Assemblage requis. Et juste à cette heure, pour faire une minuscule chronique, son foutu palmarès. Yeah. On accueille François Landry pour commencer. Comment ça fait? Ah, c'est parce qu'il est rendu. Ok, il a changé de place. Celle-là ici. Oui, allô? Ça va? Oui, oui. Je suis pas habitué que ça dans les jambes, celle-là. Le micro 2. Donc, François Landry qui est là. Jean-Philippe Charbonneau aussi. Ben voyons donc, là! Tout le monde a changé de place! Non. C'est-tu parce que vous m'aimez pas? Vous voulez. T'as pas changé de place partout, hein, c'est ça? Ben, en fait, j'allais te demander, c'est parce que tu m'aimes pas? Ça doit être ça. Mais le jour de Saint-Valentin, je suis à fleur de peau. Il m'a donné un Ferrero Rocher. Non, ben chanceux, toi. Il est fou, hein, c'est ça? Moi, j'ai aucun chocolat de mes collègues de travail. Message, message. Oh, Jasmine, tantôt, puis Anne-Julie, puis tout ça, ils vont peut-être s'en entendre parler. Ils vont en entendre parler, oui, mais ils feront rien. D'accord. Bon. J'ai peu d'espoir. On les connaît bien. Vous le savez, aujourd'hui, Assemblage Rocky, ben, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin pas mal partout, pas juste ici. Et nous, on est plus trash. On essaie de faire le contraire des autres stations qui vont passer la musique quétaine puis parler de choses romantiques. Comme j'avais préparé un petit palmarès de genre les façons de d'allumer une fille, genre lui faire à manger, des affaires comme ça. Je ferme l'onglet. On y va avec les mensonges que les hommes disent aux femmes. Ouh, bon. Je t'aime. Ben, number one, sûrement, qui est à la fin. Le premier, c'est t'es la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Ah! Tu sais, t'es la plus belle, c'est bien facile à dire, mais quand même que les gars en ont sûrement envie d'autres. Hein. Hey, à cette heure avec Internet, on va se le dire. C'est le moment, tu sais. Deuxième, on en reparlera plus tard. Ça veut dire je vais plus jamais en parler, ça. Ouais, mais bon. Le top est selon chacha.com en passant. J'aime ta cuisine, j'aime comment se faire manger. Pour épargner leurs sentiments, des fois, les femmes, c'est pas toujours les meilleures cuisinières au monde, hein? C'est bien facile de mettre des affaires au micro-ondes, mais ça, ça veut pas dire que c'est si savoureux que ça. Donc, j'aime ta cuisine. Ensuite, je ne devais jamais penser ou regarder une autre femme. Tu sais, les gars vont dire ça. Moi, j'ai une copine, je l'aime, je regarde jamais personne d'autre. You're right. C'est ça. Pas fait en bois, là. Pas fait en bois. Un autre mensonge que les hommes disent aux femmes, c'est bien ça. Je ne regarde jamais de porno. J'ai pas besoin de ça, je suis l'homme comblé. Pas de porno, pas d'internet. Non, on va tous là-dessus juste pour Facebooker. Puis quand on va sur Facebook, on regarde pas les photos des autres filles avec qui on est amis, voyons donc. On a juste des amis gars, hein. C'est bien connu. C'est connu. Vivement l'été, puis les plages. Ah, con. Hey, t'sais, on aura même plus de baie vitrée vers l'entrée des nombreuses filles dans le pavillon des Rébeaux-Chemins, nous autres. C'est barré. Je vous plains. Et désolé. Ben, comptez-vous chanceux, j'ai même pas de fenêtre dans mon bureau, moi, tout court. Ah, hein? Il y en a qui sont moins chanceux encore que d'autres, on va arrêter de se plaindre alors. Non, t'as pas l'air grosse. C'est le prochain mensonge. T'as pas l'air grosse. T'as pas l'air. Tu l'es, mais t'as pas l'air. Numéro 7. Je vais t'appeler. Quand tu as quelqu'un dans un bar ou tu rencontres quelqu'un, ouais, je vais t'appeler. On se donne des nouvelles. On faudrait refaire ça, éventuellement. J'ai fait ça moi-même. Ben, oui. Avec celle que je suis aujourd'hui. Et c'est elle qui t'a appelé? Oui. OK. Ben, à t'en retrouver. Ben, c'était ça mon truc. J'ai été le premier à donner mon numéro. Donc, je vais t'appeler. J'ai pris son numéro en note, mais j'ai complètement oublié qu'il existait. Elle m'a appelé. Évidemment, je t'aime, mais numéro 8. Je m'attendais à ce qu'il soit number 1, mais numéro 10. En tout cas, bref. Ben, je t'aime. Mais ça, c'est trash, là. C'est trash, mais des fois, c'est pour l'amener au lit. Ouais. Faites attention, mesdames. Mon téléphone était... Je l'utilise tellement souvent. T'es sur vibration. Mais pour moi, c'est vrai. Mon téléphone était sur vibration, c'est pour ça que je t'ai pas appelé ou écrit. Mais Colin, c'est vrai, je le sens pas dans ma peau. Ouais, c'est sûr. Bon. Et le dernier, c'est... je m'excuse, je suis désolé. Disais avec tellement de sincérité. C'est ça. Sorry, I'm sorry. C'est le palmarès des mensonges que les hommes disent aux femmes. C'était bon, hein? J'aime ça. C'était son foutu palmarès et je pense que ce serait une bonne occasion de changer complètement de sujet pour parler de politique un peu avec François Landry. Donc, on l'accueille à l'instant. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel, pompeux, royal. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Oui, très bien. Passe une belle semaine politique? Oui, oh que oui. Oh, beaucoup de choses à dire, hein? Ouais, trois pages de texte. Ah, oh, ben quand même. Je ne ferai pas les trois, je me suis laissé à mon enthousiasme hier. Je te laisse plus de temps que d'habitude aujourd'hui. Oui, hein, Jasmine n'est pas là, ça aide. Prends moins de place. Malheureusement. <C'est>, ouais. Je m'excuse, Jasmine. C'est toujours très intéressant ce qu'elle dit et j'espère qu'on va pouvoir la revoir la semaine prochaine. Oui. Mais donc, aujourd'hui, le thème, c'est rions un peu. Est-ce que tu nous fais du stand-up comme Michael Grenier, député en spectacle? Non, pas à ce point-là quand même. Parce que c'était la Saint-Valentin, je voulais faire une chronique, une déclaration d'amour à Pauline Marois. Notre chère première dame, donc c'est la femme, l'icône du Québec, c'est elle. Je vais faire héros rocher si tu lui donnes. Non, je vais manger tout suite, en fait. Non, je vais plus garocher. Mais j'ai pas pu. J'étais pas capable. J'essayais de me concentrer, puis les mots ne me venaient pas. J'essayais de penser à Jean Charest, t'sais, l'autre icône du Québec. Peut-être qu'elle est... Non, même pas. Donc, je suis pas un poète politique. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est un melting pot de ce que Pauline Marois a fait dans melting la dernière... poète. Melting... Oh, c'est bon, oh! Ça, c'est bon, melting poète. De ce que Pauline a fait dans la dernière semaine. Puis, ça a donné une chronique, puisque... Pas je me suis pissé dessus, mais... Disons que il a fallu que je me chaîne les cuisses. Parce que c'est... J'adore le Parti québécois. Vous savez à quel point c'est un parti qui nous surprend à chaque jour. Juste cette semaine, c'était la rentrée parlementaire. Je sais que vous l'avez écouté assidûment. Tard, non? On est 14 février! Ben, c'est travailleurs saisonniers, hein? Faut pas oublier ça. Le chômage, eux autres, ils vont se le faire couper là, bientôt. Ouais. Il a commencé quand leur congé? Ça fait 3 mois qu'ils sont en vacances. Pas de sens. Puis avant ça, ils ont travaillé pendant 2 mois, avant ça, 4 mois. De octobre à décembre. Donc, ils travaillent 6 mois par année. Ben, en chambre, mais ils travaillent 15 mois par année dans leur circonscription. Ah, okay. Ça, je vous le confirme que leur agenda, j'aimerais pas l'avoir. Bon. Mais c'était le début de l'Assemblée nationale cette semaine, et puis je regardais ça, et 2 petits incidents sont survenus. Un qui a été censuré. Parce que quand la personne retire ses propos, ça ne figure plus nulle part. Donc, on peut pas trouver de traces, ni dans le verbatim, ni sur YouTube, rien, c'est censuré. Mais quand tu l'écoutes en direct, là, tu le vois. Tu te l'enregistres mentalement. Les machines, à ce temps, tu peux reculer d'une heure, si mettons, il a dit quelque chose, et tu recules un petit peu, puis t'enregistres ça. Ouais. Faudrait gérer cette technologie-là. Ouais. Mais moi, je me l'ai gravé dans ma tête. Mm-hmm. Et puis, Facebook a fait le reste. Julie Boulay, la députée de La Violette, ici, donc la TUC et tout ça, donc qui est, a beaucoup de communautés autochtones dans sa circonscription. Elle a osé appeler, affubler du nom de sauvage les autochtones. Oui. Oh. Le nom sauvage est un nom historiquement associé aux autochtones dans le temps quand les colons, faut le dire, les colons européens sont venus ici puis ont dit les autochtones, ce sont des sauvages. Mais ça fait des années, ça fait au-dessus de 100 ans qu'on n'utilise plus ce terme-là. Très péjoratif. Très péjoratif. C'est comme le mot en haine pour les personnes noires. C'est comme exactement. Le mot en C pour les... Non, ça ne se dit pas. Écoute, c'est on a évolué quand même. On est au 21e siècle. Oui. Et elle, la députée libérale, a traité les autochtones de sauvages. Voyons donc. C'est téméraire. Hey, là... J'ai été surpris, stupéfait de voir qu'une femme de cette qualité-là dise ça en chambre. J'ai trouvé ça complètement dégueulasse. Le président lui a demandé « Retirez vos propos ». Et elle a hésité. Elle a hésité. Parce qu'elle était dans tous ses états. Ouais. Et là, le PQ, les partis d'opposition s'achahutaient. Puis même le Parti libéral, il y avait un petit malaise. Hein? Fait qu'elle, elle les a retirés, donc ça n'existe pas. Mais elle a quand même traité les Autochtones de sauvages. Faut le souligner quand même, parce que c'est grave. L'autre incident, ça, c'est pas mal plus comique. Ça, c'est l'aspect tragique. Maintenant, l'aspect comique, c'est un autre incident survenu après la période de questions au Salon Bleu. Donc, le député caquiste, donc François Legault, son député Stéphane Le Bouillanic, a déposé conjointement avec le député libéral Jerry Sklavounas et François David de Québec Soldat. Donc, l'opposition en ancien a déposé une motion qui se lit comme suit, que l'Assemblée nationale exige du gouvernement qu'il renonce aux compressions budgétaires imposées aux fins d'exercice aux universités, blablabla. Bon, l'essence est là. Et là, donc, proposition, le président demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose au dépôt de cette motion-là? Et là, le gars du PQ, je sais pas s'il dormait ou s'il comptait les mouches au plafond, mais il s'est pas levé, il a pas dit non. Donc là, c'était adopté à l'unanimité. Donc, le Parti québécois qui fait des compressions de 126 millions dans les universités vient de voter une loi pour retirer ces 126 millions-là. Et là, quand il s'en est rendu compte, le gars, il paniquait, il dit « Oh, je veux qu'on revienne sur le vote ». La langue grand. T'es en démocratie, là, c'est le vote est adopté, c'est fait. Là, ils ont suspendu l'Assemblée pour faire un petit caucus rapido presto, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Y'a-t-il un règlement, y'a-t-il une jurisprudence pour invalider un vote qu'on vient de faire parce que j'étais dans la lune? Non, le président, il a dit « Non, c'est non ». Donc, le vote, la motion est adoptée. Hey, le PQ a eu la cave. La première rentrée parlementaire, il se contredit lui-même de par un vote. Si c'était abstenu, je dis pas. Non, il vote contre. Même Amir Kadir, qui devait poser une question immédiatement après, en se levant, tout éberlué, je suis encore tout impressionné du Parti québécois. C'était poli, mais quand même. Donc, le Parti québécois avance-recule. Il savait plus quoi dire. Il savait plus quoi dire. C'est bon, ça. Pas pire. Je voulais faire cacus tantôt, mais je trouvais ça trop facile. Ouais, non, mais Kadir, c'est bien. Il savait plus quoi dire. Oui, c'est plus de punch. Ouais. Maintenant, en recherche, on voit ça dans les journaux aujourd'hui. le gouvernement québécois a coupé dans l'enseignement, dans les universités, de 126 millions. Et il avait coupé aussi de 63 millions les budgets des recherches, des fonds de recherche au Québec. Donc, les étudiants de cycle supérieur, surtout, qui en bénéficiaient, et les centres et les instituts de recherche partout au Québec. Donc, le gouvernement s'est rendu compte que, à un moment donné, ça va faire les coupeurs, la fixation d'atteindre le déficit zéro absolument pour l'année prochaine, à un moment donné, c'est un dogme plus qu'une ligne à suivre. Donc, c'est dit, on va réinvestir. On va couper 63 millions, mais on va réinvestir 26 millions. Avance, recul. Toujours encore. Donc, Parti québécois qui dit, on fait une chose, la population grogne un peu. OK, on va y se goûter, puis on va... Yeah. À un moment donné, mets tes culottes. Tu coupes pas. Mais préférence, tu coupes pas. Réfléchis avant. Danse plus. Pied de poule. Oh, une belle chanson, ça. Oui. Pauline Marois, au conseil... Toujours Pauline Marois, notre cher popo. Au Conseil national, la fin de semaine dernière, a lancé l'offensive souverainiste du Parti québécois au Conseil national à Drummondville, hein, très belle ville, tentant de galvaniser ses troupes pour relancer la liberté politique du Québec. En avez-vous entendu parler? Mm. Non, hein? Moi non plus. J'aurais dû avoir mon petit son de criquet, là. Ça aurait été bon. Mais la question des droits de scolarité a supplanté la question nationale, bien évidemment. Est-ce que Pauline ne voulait pas faire? Donc, c'est pour ça qu'elle s'est dit, on va faire un gros coup médiatique souverainiste. Mais non. Ça a foiré. Parce que son aile jeunesse, donc les jeunes âgés de 18 à 35 ans, qui sont très puissants au sein du Parti québécois, eux autres, ils ont amené une motion d'urgence de dernière minute, donc à minuit moins une. Ils ont fait rajouter une motion à l'ordre du jour qui était déjà adoptée, en disant que le PQ doit se prononcer fermement pour le gel des droits de scolarité. That's it. Et là, Pauline, qui veut l'indexation, c'est un débat vraiment de sémantique, là. Elle veut l'indexation, mais là, c'est la jeunesse qui amène le gel des droits de scolarité, mais un gel ferme, pas un gel avec idéalement une indexation dans un temps futur où les finances seront mieux. Non, c'est ferme. Donc, il impose ça dès l'ouverture du sommet. Donc, ça, les journalistes se sont rués là-dessus. On dit enfin de la chicane au PQ. Hein, ça semble que ça faisait au moins 2-3 jours qu'il n'y avait pas eu de chicane au PQ. Donc, ils ont sauté là-dessus. La question nationale éclipsée. Et cette position donc des jeunes, quelques jours avant la tenue du sommet, puisque le sommet, c'est 25-26 prochain, février prochain, était de nature à embarrasser le gouvernement. Ils voulaient vraiment foutre le bordel, tu sais, le bâton dans les roues là, pour qu'une bonne débarque. Là. Et le PQ, lui, voulait se positionner pour l'indexation. Tentant d'éviter le pire, l'aile parlementaire a donc rencontré l'aile jeunesse. Donc, les vieux bonzes ont été voir les petits jeunes qui devaient faire dans leur froc. Mais Pauline a réussi à les faire changer d'idée. Ils ont dit... il est proposé que le Parti québécois défende le gel des droits de scolarité ou toute autre position permettant de diminuer l'endettement. Oh. Et de maintenir l'accessibilité. Donc, le « ou » ici est très important. Parce que maintenant, c'est plus le gel ferme, c'est « ouais, le gel ou toute autre chose ». Fait que Pauline Marois, en conférence de presse, a dit « le « ou » me permet d'indexer ». Parce que selon elle, là, je vais vous lire parce que moi-même, je me perds dans mon latin. Pauline Marois avançait qu'une indexation ne serait pas une hausse des frais de scolarité, mais un gel. Quant au gel, il serait à exclure parce qu'il représente dans les faits une réduction des frais de scolarité. Pour faire plus simple, le gel, tu payes, quand tu parles de gel nominal, tu payes 1626, là c'est 2168 que tu payes. Donc l'an prochain, tu vas payer 2168, dans 3 ans, 2168. Donc c'est toujours la même somme d'argent. Mais la valeur de l'argent avec l'indexation, l'an prochain, ça va être indexé de 2%, donc ça pourrait être 2233. Ensuite, 2426. Mais au coût de la vie, ton salaire qui augmente de 2%, en théorie, mon œil, augmente. Donc, tu sors la même quantité, la même pas la même valeur, mais la même quantité d'argent de tes poches. Donc, exemple, 10% de ton revenu s'en va pour tes frais de scolarité. Okay. Donc, c'est vraiment un débat. Quel est le vrai gel? Indexé au coût de la vie ou le gel ferme nominal? Donc, là, faut juste comprendre. On va récapituler. Okay? Une indexation, selon Pauline, c'est un gel. Un gel, c'est une diminution, mais une hausse, on s'entend que c'est une hausse. Donc, moi, j'en perds mon latin et ma calculatrice là-dedans, là, je comprends plus rien. Est-ce que c'est un lapsus de l'appeler Moline dans deux secondes? Tu pourrais très bien. T'as dit ça? Moi j'ai dit ouais. Moline. Ah, elle est molle, hein? Ah oui, Moline est molle dans sa sémantique, dans sa réflexion. Avec cette réflexion-là, on pourrait monter en bas. Oui. Oui! Non, mais tout à fait, oui. Tout à fait. Là, je sais pas si vous avez lu 84, le roman 1984, ou vu le film, vous savez au moins c'est quoi, George Orwell. Donc, lui, il disait « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Donc ça, c'est la vraie logocratie. Mm-hmm. Et là, moi, je me suis amusé, j'ai retransformé ça en péquisme. Donc pour Pauline, l'indexation, c'est le gel, c'est la gratuité, et la gratuité, c'est donc l'indexation. Ah. C'est là la logique de Pauline. Mm-hmm. Donc on comprend pourquoi Pauline est pour la gratuité, mais en fait, en indexant. C'est la logique Facebook, hein? On t'invite à quelque chose, oui, ça veut dire peut-être, peut-être ça veut dire non, non, ça veut dire jamais de la vie, tu sais. Puis tu te présentes pas si tu dis oui. C'est ça. Puis tu y vas quand t'as dit non. Ben oui. Hein? Bon. T'sais. Fait que c'est pour ça que cette semaine, je trouvais que le PQ faisait dur, comme souvent. Comme, pas toujours, mais de souvent ces dernières années. Donc, c'est pour ça que c'était ma chronique un peu rion du PQ ensemble, mais gentiment. Hein? C'était très bien. Oui. Comme toujours. François Landry. Oui. Logocratie 101. Oui, hein, il faut les rentrer ligne, hein? Ouais. Il y a un commentaire derrière tout ça. Ouais. Subtil furtif comme un ninja, tu sais. Même qu'on l'appelle. Donc, on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Ouais. On retourne en musique d'amour trash un peu. Les gars, on s'en va entendre du Jack White. Et c'est Michael Grenier, tantôt, qui nous a suggéré cette pièce-là de Jack White sur l'album Blunderbuss. Voici Love Interruption. 89 FM, c'est fou. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Jack White et Love Interruption. Assemblage requis, oui, en effet, ça parle drôlement de l'amour d'une façon un petit peu détournée. Différent. Ouais. On apprécie et on aime Michael Grenier qui nous a préparé cette pièce-là de Jack White sur l'album Blunderbuss. Il nous reste une quinzaine de minutes. On l'a dit tantôt, Jasmine Raymond-Dréville ne pourra pas être avec nous. Elle ne viendra pas, malheureusement, problème de voiture, apparemment, avec sa mère. Donc, vous allez pouvoir aller voir la page Facebook d'Assemblage Requis au courant de la journée. Jasmine va nous poster un petit texte au sujet de, en fait, de ce qu'elle veut là, sur la page d'Assemblage Requis dans le courant de la journée. Voilà. Et elle sera là la semaine prochaine avec nous pour une autre chronique AGUQTR. Voilà. Mais là, c'est triste. On n'entendra pas le thème. Non. Ah. Et là, tu vois-tu mes petits yeux suppliants? Ouais, c'est ça. Je te vois venir et je te comprends donc. Ah oui. Ah, je sais pas, je vais te la chanter live comme ça. Ah oui, oui. Bah écoute, si tu le fais, je peux moi aussi, un petit peu. Okay. AGUQTR, AGUQTR, AGUQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGUQTR parce que l'AGUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Tu vois, depuis 4 semaines en fait, François-Olivier vient le jeudi. Juste pour faire ça. Pro, pro, le propre. Ouais. Il va falloir qu'on enregistre une autre chanson. Hein. Je suis en train d'écrire des paroles, tu sais. On va les écrire à deux. Je veux vraiment qu'on compose quelque chose de vraiment le fun. Ça fait deux personnes qui m'écrivent un message texte parce que je viens de leur donner mon numéro. François Landry, puis Jean-Philippe. Oui, mais regarde ce que je t'ai marqué. C'est le gars en face de toi. Ah, que c'est beau. Il faudrait pas qu'il y ait un autre invité, là. Tu pourrais être vraiment confus. Ah. Non, donc c'est ça. Je suis en train d'écrire des paroles. Tu sais, tu pourras en rajouter, puis on pourra faire vraiment. On pourra même faire une version longue si on veut. C'est toi qui est tellement bon en musique. T'as composé la chanson thème de Melon Bien et Chaud de Bruxelles, j'imagine, avec. Non, même pas. Non, même pas. T'as rien à voir avec ça, c'est quoi? Non, pas tant. Ça, tu joues pas de musique dessus, t'es pas musicien, hein? Ben d'habitude, quand on joue live, ouais. Moi je joue le coco. Ah! C'est pas des riffs. Je fais okay. Fait que écoute, il y aura du coco. Chose certaine, il va falloir de le coco. J'aimerais ça rajoute de la saveur. Puis oui. On pourrait demander à d'autres gens, c'est d'amener leur flûte, tout ça. Je craque pour toi, mon coco. Oh, wow! non, on a quelques chansons thèmes quand même de déjà écrites. Là, si on avait La face cachée de la Trifluvie qui avait sa chanson thème écrite par moi-même, La crainte de l'OGE, c'est évident. Ce slogan vous va comme un gant qu'on n'a pas encore enregistré, mais que quand on fait la chronique, on la chante live, puis c'est ce slogan vous va, ce slogan bouba, bouba. C'est super bon. Mais ça, pour la chronique de l'OGE QTR, là, on a un petit beat en arrière. On l'enregistrera pas tout de suite parce qu'on va vraiment travailler dessus ensemble. Mais à date, j'ai. Je vais vraiment essayer de la chanter, genre. Délicieux comme un potage, beau comme un bricolage. On l'entend des coquillages. Ils sont peut-être contre le mariage. À la maison comme à la plage, comme les cadeaux des rois mages. Ah, je que te re. La jeu cutard, ça pas d'âge, yo. Ah, yo. Mais tu sais, on peut en mettre plein autour. Il y a de la place, mais faut que ça finisse par âge. Âge. C'est vrai, par âge. Ah, okay. Ok. Sauvage, comme dirait la politicienne qu'on a mentionnée tantôt. Julie. Sauvage. Jerry Boulet. Julie Boulet, c'est ça? Julie Boulet. Oui, sauvage. Là, j'ai juste roi-mage. On dirait que je suis stické sur le. Ouais, j'en ai sorti des pas pires, là. Ouais, potage, ouais, roi-mage ouais. À la plage, là. C'était carré, hein? Ouais, ouais. Grand poète. Alors, on fera pas une page d'histoire. Page. Fromage. Froum-froum. Vroom vroomage, oui, si tu veux. Rendu là, on peut mettre un âge à la fin de tous les mots, puis avoir d'un. Ben oui. C'est ça. Mage, tu l'as-tu dit? oui, j'ai dit ça. OK, dit ça. On dirait que mon cerveau, il est super allumé, mais finalement, c'est... Tu fais un stickage, un blocage. Tu fais un blocage. Ah oui. Blocage. Ça intéresse. Blocage. Ben, OK. Carnage, écoute, c'est un vrai carnage. Oui. Oui. Hey, c'est-tu long le malaise, mais j'aime ça. Je vais continuer. Puis là, tu sais, je suis vraiment en train de regarder en studio tout mais ce que fais un demi-tour sur ta chaise, comme ça. Comme, tu vois, ça amène des idées. Il le fait pour vrai, moi, je sais pas comment. Bon, on a passé un beau petit 4 minutes. Oui. À parler de l'OGE en disant absolument rien. Oui. Parce qu'on est pas au courant. Ils seront là la semaine prochaine. On retourne en musique, écouter du Biobazar. Avec sa pièce And Friends, quelque ça à l'instant, à Assemblage Recoup. Puis après ça, on va revenir pour se dire au revoir et accueillir les gars de La Belle et les Bêtes. T'es sage. Oh, sage. Glaçage. Oui. Oh, yeah. Bravo. Voilà les filets de morue. Hé, Marcella. 5000 dollars. Tu montres tout, alors là, tu es un certain et tu montres tout. On me demande. Hein. La pièce And Friends de Biobazar sur l'album Bonne Contact. Un jour, on se gâterait au futur. Le on long. La version complète de 11 minutes 46, à un moment donné, mais pas aujourd'hui parce qu'on doit se quitter, les gars et la fille de La Belle et les Bêtes s'en viennent. Oui. Oui, ça va être très bon à 9h. L'émission de variété, de sport, d'actualité, de plein de choses. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Maxime Bilodeau, Jasmine Raymond-Drinville, François Landry, Karina Tardy et Michael Grenier. On vous aime. Bisous, bisous, love, love, love. Voilà. Alors, on se retrouve lundi avec la chronique de Simon Fitzbé, chronique musicale. Ensuite, Véronique Mire du bureau de la Régie étudiante et Alexandra Carignan avec le temps d'une culture. Restez à l'écoute. Après La Belle et les Bêtes, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Moi, je vais être de retour avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay pour les palmarès C'est Fou à 15h. Ça n'a pas manqué. Merveilleux. Ah, oubliez pas non plus les meilleurs moments de C'est Fou. Ça s'appelle Le meilleur de C'est Fou et c'est les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. C'est un condensé des meilleures chroniques d'Assemblage Requis et du dîner de con ensemble. Mm-hmm. Fusion, cuisine fusion. Ils font le ciseau. Oui. Parce que ça a été coupé au montage. En tout cas, dans ma tête, ils font le ciseau, puis c'est pas nécessairement nous autres qui animent. Je veux pas voir des ciseaux entre nous. On se retient. Non. Un pot de colle, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Des cure-pipes. Bon, mais là, déjà là, tu vois, non. Non, on se perd. Ouais. On se quitte avec une dernière pièce d'amour trash pour la journée. C'est Anne Dorval. De Rouge Pompier. Rouge Pompier. Parce qu'on aime Anne Dorval, puis faut bien lui dire une fois de temps en temps. Hein? Ben oui, bon, surtout aujourd'hui. Oh, c'est la vraie journée de l'amour! Bye! Bye, Mathieu! Un autre malaise? Ah oui, OK, on fait ça. Okay, un petit dernier, on a-tu 2 secondes pour un malaise? À peine, je pense que la chanson va terminer à peu près d'être... Ouais, c'est ça, parfait. OK. Ouais, okay. Bon, fait que hier, je t'étudie, j'ai bu un verre d'eau. Wow, cool. Il était-tu bon? Y avait-tu... Ouais, pas assez froid. Pas assez froid. Mais des fois, c'est 3 fois, ça fait mal aux dents. Ouais. Okay. Ben, ouais, ouais. Pour quand t'as des problèmes de sensibilité. Moi plus... aussi, j'ai ça. Mmh. La porte à dents, ça fait pas tellement effet. Non, c'est... Mmh. Mmh. Ah. On est les seuls qui aiment les malades, je pense. Oui! C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à...